بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله مترى شيخ فار السور. Aujourd'hui le jeudi 21 رمضان 1441 de l'Hégire, correspondant au 14 mai 2020, nous nous retrouvons afin de poursuivre notre étude de la biographie du prophète alayhi salatu wassalam à partir du livre de l'imam Ismaïl ibn Kathir rahimahullah, qui est décédé en l'an 774 de l'Hégire. Et on avait commencé dans le cours précédent à parler de la bataille de Uhud, la deuxième bataille la plus importante dans les batailles dans lesquelles a participé notre prophète alayhi salatu wassalam. Et cette bataille qui a eu lieu après la grande victoire des musulmans dans la bataille de Badr, et après que la plupart des têtes de la mécréance ont été tuées, comme nous l'avons vu, Kuffar Quraysh, et avec leur chef et à leur tête, Abu Sufyan, Sakhr ibn Harb, étaient déterminés à venger leur mort et à mettre une fin pour ce nouvel état de l'islam, cet état naissant fil Madina, à Médine. Et on a vu qu'ils ont consacré également le capital et les bénéfices de cette grande caravane commerciale qui était dirigée par Abu Sufyan et qui a pu échapper aux musulmans. Mais suite à cela a eu lieu la bataille de Badr. Donc toute cette caravane commerciale a été réservée pour la vengeance. Et justement, elle a été employée dans la bataille de Uhud par le Kuffar, qui sont sortis en grand nombre, 3000 hommes de Quraysh et de ses alliés sont tous sortis armés et équipés. Ils avaient 200 chevaux et 700 armures. Et 700 armures. Et ça, ça vous montre, yani, à la fois la taille de l'armée et également ses préparatifs et combien elle est équipée. Elle est bien équipée, l'armée. Et les musulmans, avec notre prophète bien-aimé, alayhi salatu wassalam, Nabi alayhi salatu wassalam a consulté ses compagnons. Et il a demandé leur avis. Est-ce qu'on attend, on reste fil Madina, protégé, en sécurité? Et si jamais ils viennent nous attaquer, on pourra profiter des forteresses et des châteaux de Médina pour nous protéger et repousser notre ennemi très facilement. Ou est-ce qu'on sort à leur rencontre? Et Nabi alayhi salatu wassalam les avait informés d'un rêve qu'il a vu, alayhi salatu wassalam, juste avant la bataille. Et dans ce rêve qui est rapporté dans l'authentique de l'imam al-Bukhari, selon Abu Musa al-Ash'ari radiallahu anhu, le prophète alayhi sallam leur a dit: j'ai vu dans un rêve que j'ai pris mon épée et je l'ai agitée et sa pointe a été coupée. Et le Nabi alayhi sallam a interprété cela par la mort des croyants dans la bataille de Uhud. Et ensuite, il a agité à nouveau son épée et elle est redevenue meilleure que comme elle était avant. Et il a interprété cela par le triomphe qu'Allah leur accordera et l'union sur laquelle seront les croyants. Et il a vu dans ce rêve des vaches qui sont tuées. Il a interprété ça par la mort de certains de ses compagnons, radiallahu anhum, dans la bataille de Uhud. Mais malgré qu'il leur a dit ça, comme on a vu, il y a des compagnons qui étaient déterminés. Après avoir loupé Badr, ils étaient déterminés à sortir. Ils avaient envie de bénéficier du martyr dans le sentier d'Allah. Après ce qu'Allah azzawajal a dit des martyrs de la bataille de Badr. Et les mérites des martyrs, ils avaient envie d'avoir cet honneur. Et en plus, ils étaient déterminés à sortir combattre au kuffar Quraysh. Et ils ont tellement insisté que le prophète Aïssa Salam est entré chez lui, il s'est habillé, il a porté ses armures, ses armes, et il s'est préparé pour le combat. Et effectivement, ils sont sortis. Et ils sont sortis. Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, comme on a vu, avec d'autres hypocrites et même des croyants sincères l'ont suivi et étaient induits en erreur par cet homme, ce grand hypocrite. Il est sorti malgré qu'au début il n'était pas d'accord pour sortir. Mais il est sorti avec le Nabi Aïssa Salam et après avoir parcouru une distance dans l'armée, il a décidé de faire demi-tour. Il a décidé de faire demi-tour et en plus il a réussi à convaincre 300 hommes de faire demi-tour avec lui. Et certains parmi ces hommes, yani, c'était des croyants sincères. Deux tribus qui ont été citées, yani, desquelles Allah Azza wa Jalla a parlé dans le Coran, sans citer leur nom. Et quand il a fait demi-tour, le père de Jabir ibn Abdullah, Abdullah ibn Haram, radiallahu anhu, est parti le voir et il les a blâmés tous. Il les a réprimandés. Comment vous délaissez le messager d'Allah et vous faites demi-tour? Et ils ont sorti comme excuse, comme on a vu. Ils ont dit, لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَتَّبَعْنَاكُمْ. قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ. Dans le sens approximatif, ils ont dit وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ. Et pour qu'ils reconnaissent aussi les hypocrites à qui il fut dit venez combattre dans le chemin d'Allah. C'est ce qu'il leur a dit Abdullah ibn Haram radiallahu anhu. Repousser l'ennemi. Ils ont répondu en disant, si nous savions qu'un combat aurait vraiment lieu, nous vous suivrions. Allah dit, ce jour-là, ils étaient plus près de la mécréance que de la foi. Et ils disaient de leur bouche ce qu'il n'y avait point dans leur cœur. Et Allah en sait mieux sur ce qu'ils taisaient, sur ce qu'ils cachent. Donc c'est comme ça qu'ils ont répondu. Et parmi les autres réponses qu'a donné Abdullah ibn Ubay, c'est qu'il a dit, il a dit que le messager, alayhi salatu wassalam, a écouté le conseil de jeunes et n'a pas écouté ses conseils. Alors pourquoi exposer son âme au danger et le suivre? Qatilahu Allah. Cet homme qui est mort, bien évidemment, dans la mécréance. Il est mort dans la mécréance. Wal'iyadu billah. Et malgré ça, Nabi alayhi sallam, quand il est décédé, il a voulu prier sur lui. Et Allah lui a interdit cela. Il a voulu demander le pardon pour lui. Car il ne savait pas encore ni qu'il était dans la mécréance. Mais Allah Azza wa Jal lui a interdit de lui demander pardon. Il a informé son prophète alayhi salatu wassalam que même s'il demande pardon 70 fois en sa faveur, Allah ne lui pardonnera pas. Et Nabi alayhi salatu wassalam a dit, si je savais qu'Allah lui pardonnerait en demandant pardon en sa faveur plus de 70 fois, je l'aurais fait. Mais Allah ne pardonne pas aux mécréants après leur mort. Pendant leur vivant, Allah pardonne tous les péchés, y compris la mécréance, y compris l'associationnisme, tous les péchés sans exception. Mais après la mort, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. Et donc, Nabi alayhi salam, il a poursuivi sa route vers la montagne de Uhud avec 700 hommes uniquement. Et ils avaient 50 chevaux avec eux, les muslimines, contre 200 chez les kuffar. Et ce jour-là, on a vu que Nabi alayhi salam, il a porté deux armures. Il a porté deux armures. Et ça, ça montre que tawakkul ne contredit pas le fait de prendre en compte les causes autorisées et légiférées. Donc, Nabi alayhi sallam, le grand de tous les mutawakkilin, le plus fort en tawakkul, dans sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et malgré ça, regardez les causes qu'il a fait. Il a porté deux armures ce jour-là. Et également, yani parmi les points importants qu'on a vus dans les préparatifs de cette bataille, c'est que les jeunes se sont concurrencés pour participer dans cette bataille et que Nabi alayhi sallam a refusé beaucoup d'entre eux. Et ceux qu'il a acceptés, vous avez vu, yani comment Nabi alayhi sallam les a acceptés. Le premier parce qu'il était un très bon lanceur, et le deuxième, quand il a accepté le bon lanceur, le deuxième il a dit, moi au messager d'Allah, je suis plus fort que lui. Et ils ont fait une lutte, et effectivement il a vaincu, il a accepté le deuxième également. Alayhi sallam, radiyallahu anhum. Et les deux c'était Rafi ibn Khadij, et Samura ibn Jundub, radiyallahu anhum. Ils avaient 15 ans. Et la plupart ont été refusés. Ils avaient 14 ans à peu près. Il y avait parmi eux Abdullah ibn Umar. Il s'est présenté dans la bataille de Badr. Et il s'est présenté également dans la bataille de Uhud. Il a été refusé dans les deux. Et il sera accepté avec tous les autres dans la bataille de Khandaq. Comme on a vu, ces trois batailles, c'est des batailles déterminantes et décisive pour les muslimines, contre Quraysh en particulier. Contre Quraysh en particulier. Parce que là, c'est un rapport de force. Et Quraysh, elle a toujours ce grand statut parmi les Arabes. Et les muslimines n'ont pas encore démontré leur force et leur puissance de manière manifeste. Et la première occasion, c'était pendant la bataille de Badr. Et on va voir ce qui va se passer dans la bataille de Uhud. Mais dans Khandaq, ça sera yani, quasiment la dernière bataille qui va stopper Quraysh. Et après cela, dans le Hudaybiyah, ils seront contraints de faire des pactes avec les musulmans. Le Nabi alayhi salatu wa salam, dans sa stratégie, il a placé son armée dans cette bataille de manière à ce que leur dos soit en direction, leur dos en direction de Uhud, c'est-à-dire la montagne de Uhud derrière eux. Et ils regardent vers le Médina. Et ça, c'est une protection pour eux. Il n'y avait qu'une petite faille, c'est un petit mont qui s'appelle aujourd'hui Jabal al-Rumat, le mont des archers, et qui s'appelait avant, il était plus connu par Aïnaïn. Donc le Nabi alayhi salatu wassalam a placé 50 hommes, tous des lanceurs d'archers, tous des archers, il les a placés sur le mont qui s'appelle Aïnaïn. Et il leur a donné des consignes très explicites et très claires et très strictes. Et ça se résume dans le fait de ne jamais quitter leur emplacement, quoi qu'il arrive. Victoire ou défaite pour les musulmans. Même si la guerre elle est finie, faut pas qu'ils quittent leurs emplacements. Il faut qu'ils restent dans leurs emplacements jusqu'à ce que le prophète alayhi sallam leur dit de descendre. Et il a mis à leur tête Abdullah ibn Jubayr radiyallahu anhu, le grand compagnon radiyallahu anhu. Et parmi les points qui ont eu lieu également juste avant le début de cette bataille, c'est que le Nabi alayhi sallam a sorti une épée à lui, et il a dit: qui prend cette épée avec son droit? Dans certaines versions, il est rapporté que Zubayr, radiyallahu anhu, a dit: moi. Et le Nabi alayhi sallam l'a répété. Il a dit: qui prend cette épée avec son droit? Et celui qui s'est présenté pour la prendre, c'est un sahabi qui s'appelle Abu Dujana, Simako ibn Kharasha, radiyallahu anhu. Un très grand compagnon, très connu, et très très parmi les plus courageux des Médinois, et qui avait, radiyallahu anhu, une particularité. C'est qu'il faisait, yani, une démarche dans la guerre, dans laquelle il y avait de l'orgueil, et il y avait comme de l'ostentation. Et de l'arrogance, le mot exact c'est ça, c'est l'arrogance, dans laquelle il y avait de l'arrogance, et comme du vantardise. Et le Nabi alayhi sallam a dit, ça c'est quand il a vu marcher comme ça, il a dit, ça c'est une démarche qu'Allah déteste, excepté dans cet endroit. Excepté dans la bataille contre les ennemis, les mécréants. Où Allah aime cette démarche de cet homme, Abu Dujana, radiallahu anhu. Et Abu Dujana a pris l'épée, et il a dit au messager d'Allah: quel est le droit de cette épée maintenant que je l'ai prise? Et Nabi alayhi salam, il lui a dit: c'est que tu ne tues pas un musulman avec, et que tu tues uniquement les mécréants. Ça, c'est dans une version qui a été rapportée par le Bayhaqi dans Dala'il al-Nubuwa et autres. Et dans l'authentique de l'imam muslim, quand Abu Dujana il a pris cette épée, ensuite il a combattu avec, et il a frappé avec cette épée, jusqu'à ce qu'elle s'est pliée, jusqu'à ce qu'il y a eu un pli dans l'épée. Il a tué les mécréants avec cette épée, radiyallahu anhu. Et comme on va le voir, Abu Dujana, radiyallahu anhu, il fait partie des hommes qui ont fait preuve de beaucoup de bravoure et de courage, un courage exceptionnel dans cette bataille. Lui, ainsi que d'autres compagnons. Au point où le Nabi, alayhi salatu wasalam, a souhaité, si seulement il était mort dans cette bataille avec les compagnons qui sont décédés. Le grand mérite de ses compagnons, radiyallahu anhum, qui sont tombés martyrs dans cette bataille. Et le combat a démarré avec le duel qui a eu lieu entre Ali radiyallahu anhu et Talha ibn Uthman, celui qui portait l'étendard des mécréants. Et Ali radiyallahu anhu l'a tué. Il l'a tué. Ali radiyallahu anhu, bien évidemment, dans cette bataille, cet homme qui est très très connu pour son grand courage radiyallahu anhu, c'est pour ça. Les savants, quand ils parlent du courage du prophète, alayhi salatu wasalam, ils rapportent souvent la parole de Ali quand il disait que quand le combat s'intensifie, on se couvrait tous derrière le dos du prophète, alayhi salatu wasalam. Et c'était l'homme le plus proche des ennemis, à chaque fois, dans le premier rang, alayhi salatu wasalam. Et parmi les sagesses, c'est que Ali, c'est un homme extrêmement courageux. C'est parmi les plus courageux des Arabes. Il est connu. Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, c'est lui qui a tué Amr ibn Wud. C'est lui qui a tué Amr ibn Wud. Amr ibn Wud, il est considéré parmi les grands héros des Arabes. Il est considéré parmi les grands héros des Arabes. Et Amr ibn Wud, c'est lui qui a tué le frère de Sa'd ibn Abi Waqqas, radiyallahu anhu, dans la bataille de Badr. Dans la bataille de Badr, c'est lui qui a tué le plus jeune des martyrs, qui était Amr ibn Abi Waqqas, radiyallahu anhu, le frère de Sa'd ibn Abi Waqqas. Sa'd ibn Abi Waqqas, un des 10 annoncés au paradis, radiyallahu anhu wa ardah. Et c'est Ali qui va le tuer dans la bataille de Khandaq. Et ça, on va le voir, inshallah. Donc, avec ce duel, la bataille a démarré entre les musulmans et les mécréants. Et le premier qui a commencé à combattre du côté des mécréants, c'est l'homme qu'on a vu hier, qui s'appelait Abu Amir al-Rahib, et que le Nabi Aïssa appelait Abu Amir al-Fasiq, le déviant, le pervers. Cet homme, quand l'islam est arrivé à Medina, il a refusé l'islam. Et il est parti, il s'est rejoint à Kuffar Quraysh, il a combattu dans leur rang, et il a combattu d'une manière très forte dans la bataille de Badr, aux côtés des mécréants. Également parmi les hommes qui ont fait une preuve d'un courage exceptionnel dans la bataille de Badr, bien évidemment, on ne peut pas parler de la bataille de Badr sans parler de lui, on ne peut pas parler de la bataille de Uhud sans parler de lui, c'est Hamza ibn Abdul Muttalib, l'oncle et frère d'allaitement du prophète alayhi salatu wassalam. Hamza ibn Abdul Muttalib, radiyallahu anhu, qui a combattu et également qui a fait preuve d'un courage exceptionnel ce jour-là, radiyallahu anhu. Et Hamza ibn Abdul Muttalib, bien évidemment, avant de parler de comment il a été tué, d'abord, faut savoir que dès le début de la bataille, les croyants ont dominé la bataille. Ils ont dominé la bataille complètement. Et Kuffar Quraysh, qui était aligné dans leur armée, comme on a vu, il y avait Khalid ibn al-Walid sur le côté droit, Ikrimah sur le côté gauche, et tout à l'arrière de l'armée, il y avait leurs femmes qu'ils ont ramenées avec eux afin de que personne ne prenne la fuite et qui combattent jusqu'à la fin. Et qui combattent jusqu'au bout. Et donc, le combat, dès son début, la domination totale et absolue était pour le musulmane. Au point où le kuffar ont commencé à prendre la fuite. Beaucoup d'entre eux. Et ils étaient vaincus très rapidement. Au point où les musulmans ont atteint le côté dans lequel il y avait les femmes. Vous imaginez? Ils ont traversé toute l'armée des kuffars, ces 3000 hommes, dont beaucoup ont pris la fuite, et ils sont arrivés jusqu'à la fin, l'arrière de l'armée. Ils ont atteint les femmes. Il y avait une femme qui faisait des poèmes pour renforcer le kuffar, et Abu Dujana, il est arrivé jusqu'à cette femme. Et il l'a pas frappée avec son épée. Et par la suite, un autre sahabi qui l'avait aperçu, il lui a dit « Pourquoi t'as pas tué cette femme qui disait, qui renforçait le kuffar ?» Il a dit « Je n'ai pas voulu salir l'épée du messager d'Allah avec le sang d'une femme. » Radiyallahu anhu. Donc, très rapidement, comme je dis, les musulmans ont dominé cette bataille et c'était... Ils ont gagné la bataille. Celui qui observe le déroulement de la bataille, il ne peut pas dire autre chose que les musulmans ont gagné la bataille. Ils ont emporté cette bataille et la bataille était quasiment finie. En très peu de temps. Et la bataille, rappelez-vous qu'elle a eu lieu dans la moitié du mois de Shawwal et c'était un samedi. Nabi Al-Sallam est sorti le vendredi de Medina. Et la bataille a eu lieu le samedi, le lendemain, dans l'année 3 de l'Hégire. Quand les compagnons de Abdullah ibn Jubayr, les archers, sur le petit mont, quand ils ont vu que les musulmans ont gagné la bataille, et que beaucoup parmi les mécréants ont pris la fuite, et que même les musulmans ont commencé à partager les butins. Ils avaient envie de prendre leur part dans le butin. Ils ont dit, les butins. C'est-à-dire, on va prendre notre part dans les butins. Car la bataille était finie pour eux. Et Abdullah ibn Jubayr radiallahu anhu, leur a rappelé les recommandations du messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Mais eux, ils ont pensé que les mouchriquines ont pris la fuite et que la bataille était finie et qu'il n'y avait plus raison à rester sur le mont. Et en plus, ils avaient envie de prendre leur part dans le butin, comme Allah l'a dit dans le Coran. Et ils sont descendus de ce mont, 40 hommes sont descendus. Il n'est resté que 10 sur le mont, dont Abdullah ibn Jubayr radiallahu anhu. Les chevaliers parmi les mécréants qui avaient pris la fuite, à leur tête Khalid ibn al-Walid et Ikrima ibn Abi Jahl, ils ont aperçu cette ouverture. Cette lacune qui a été créée au niveau de ce mont, après la descente des archers. Et ils ont contourné jusqu'à monter sur le mont, et c'est arrivé ce qu'Allah Azzawajal a décrété, et ils ont tué les archers qui étaient encore sur le mont, qui ont combattu, et ils les ont tués tous, y compris Abdullah ibn Jubayr, radiyallahu anhu. Et de là, une fois sur cet emplacement, ils pouvaient accéder à l'arrière de l'armée des musulmans. Ils pouvaient accéder facilement à l'arrière de l'armée des muslimines. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et ils ont tué beaucoup de compagnons. Et beaucoup de ceux qui sont dans l'armée du prophète, beaucoup ont pris la fuite. Et c'était une très grande panique qui est arrivée. Car les gens ne savaient pas ce qui se passait. Qu'est-ce qui se passe? Ils entendent des cris, ils voient des choses, mais ils comprennent pas exactement ce qui est arrivé. C'était la panique dans les rangs des musulmans. Et ces chevaliers dirigés par Khalid ibn al-Walid et Ikrima, ils ont pu tuer beaucoup parmi les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Et les compagnons n'ont réalisé que c'était le kuffar qui les attaquait qu'une fois qu'ils ont tué un grand nombre. Et quand ils se sont repris et ils ont repris leur positionnement, tout ça, c'était toujours un état de grande panique au point où à un moment ils se sont mis sur Al-Yaman, radiallahu anhu, le père de Hudhayfa ibn al-Yaman, le grand compagnon. Et ils ont cru que c'était un mécréant, et ils l'ont tué. Et quand Hudhayfa, radiallahu anhu, les a vus se mettre sur son père, il disait, ô serviteur d'Allah, c'est mon père. C'est mon père, ô serviteur d'Allah. Mais, vous devez vous imaginer comment c'était les états d'esprit, et la panique qu'il y avait dans toute l'armée, ils n'ont pas écouté ce qu'a dit Hudhayfa radiallahu anhu. Et ainsi, l'Yaman, le père de Hudhayfa, a été tué radiallahu anhu. Et quand ils l'ont tué, Hudhayfa radiallahu anhu leur a dit, qu'Allah vous pardonne, qu'Allah vous pardonne. Et ceci est rapporté dans l'authentique de l'imam al-Bukhari. Et ceci est rapporté dans l'authentique de l'imam al-Bukhari. Et c'est rapporté même que le Nabi al-Sallam a proposé une rançon pour son père, Ad-Diyah, mais que Hudhayfa n'a pas voulu la prendre et il a demandé au prophète al-Sallam de la donner en sadaqa, aux musulmans. Et cette parole que Hudhayfa, radiallahu anhu, a dit, la parole que Hudhayfa radiallahu anhu a dit après la mort de son père, ghafarallahu lakum, c'est une parole, comme il a dit le rapporteur du hadith, il a dit, Hudhayfa a bénéficié de la baraka de cette parole jusqu'à la fin de sa vie. Comme ça a été expliqué par le Hafiz ibn Hajar. Le hadith, il est dans l'authentique de Bukhari. Et l'Hafid ibn Hajar, dans Fath al-Bari, il a déduit que, on prend de ce hadith que les actes du bien accomplis par le croyant, il bénéficie de leur bénédiction pendant tout son vivant. Et voyez le bien qu'Allah a accordé à Hudhayfa radiallahu anhu avec cette parole qu'il a dit ce jour-là. C'est qu'il a pardonné aux croyants qui ont tué son père par erreur, et qu'il a même refusé d'accepter la rançon. Il a demandé au prophète de la donner en sadaqa aux musulmans. Et également est tombé martyr ce jour-là. Comme je vous ai dit, on ne peut pas parler de la bataille de Uhud sans parler de lui. C'est Hamza ibn Abdul Muttalib, le lion d'Allah et le lion de son messager, radiallahu anhu. Dans cette bataille, Hamza, radiallahu anhu, a été tué par un esclave qui s'appelle Wahshi. Donc, Wahshi, c'est un esclave qui appartenait à un des dignitaires parmi Quraysh, et il lui a dit, cet homme, il s'appelle Ubaydullah ibn Adi. Donc cet homme, Je vais vous dire le nom de son maître. Son maître, c'est Jubair ibn Mut'im. Jubair ibn Mut'im. C'est le nom de son maître. Et son maître, le maître de Wahshi, lui a proposé de le libérer si jamais il tue Hamza, radiyallahu anhu. Car Hamza avait tué le frère de Jubair ibn Mut'im, qui s'appelle Tu'ayma ibn Adi. Tu'ayma ibn Adi. Donc il lui a dit, si tu tues Hamza, je te libère. Effectivement, c'est ce qu'il a fait, Hawashi. Il a, yani, tué Hamza, radiallahu anhu, ce jour-là, avec, d'une méthode dans laquelle il y a une trahison. C'est qu'il s'est caché. Il ne l'a pas combattu ouvertement. Il s'est caché jusqu'à ce que, à un moment, Hamza était en face de lui et il combattait. Et de derrière, lui, il était caché derrière un grand rocher. De derrière, il a pris sa lance et il l'a jetée contre Hamza radiallahu anhu et il l'a tué avec. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand son oncle était tué, Nabi sallallahu alayhi wa sallam était extrêmement triste. Il était extrêmement triste et touché par la mort de Hamza radiallahu anhu. Et quand il a su que son oncle était tué, il a demandé l'endroit où il a été tué. Et il s'est rendu à cet endroit, il l'a trouvé, et en plus, il a trouvé que le kuffar l'avait mutilé et défiguré. Il avait coupé des membres et fait des choses que les Arabes, même avant l'islam, ne faisaient pas dans les guerres. Mais ça vous démontre la rage et la colère qu'avait le kuffar Quraysh contre les muslimines. Ils ont fait des choses que même eux, ils ne voient pas autorisées dans les guerres. C'est de mutiler les morts et de les défigurer. Et en plus, ils avaient ouvert son ventre à Hamza radiallahu anhu. Et même, il est rapporté qu'ils ont sorti son foie et yani, ils ont fait d'autres choses avec le corps de Hamza radiallahu anhu. Le Nabi alayhi salatu wassalam, quand il a su que Hamza était tué, il a beaucoup pleuré, radiallahu alayhi salatu wassalam. Et quand il a vu son cadavre, comment il était mutilé et tout ça, il a soupiré et sangloté, alayhi salatu wassalam. Il était extrêmement touché, extrêmement triste, au point où cet homme Wahshi, par la suite, il est entré dans l'islam. Il est venu devant le prophète, alayhi salatu wassalam, pour lui annoncer son islam. Le Nabi, alayhi salatu wassalam, a accepté de lui l'islam, mais il lui a dit, je ne veux pas te voir. Je ne veux pas te voir, mais il a accepté de lui l'islam. Et Hamza radiallahu anhu, quand sa sœur Safiya, la mère de Zubair ibn al-Awwam radiallahu anhu, la tante paternelle du prophète alayhi salatu wassalam, donc la sœur de Hamza, quand elle a su que Hamza était tué, elle est venue en courant vers les morts dans cette bataille, et elle a voulu regarder où était Hamza, et elle avait ramené avec elle deux linceuls pour l'enterrer dedans. Et quand Nabi alayhi sallam l'a vu de loin, il a dit la femme, c'est-à-dire arrêtez-la, empêchez-la d'arriver jusqu'au cadavre. Il voulait pas qu'elle voie ce qu'il a vu de Hamza radiallahu anhu et comment il était mutilé radiallahu anhu. Et effectivement, ils l'ont arrêté. Zubair radiallahu anhu, son fils, est parti. Il l'a arrêté, il l'a empêché de s'approcher davantage des corps. Et ensuite, elle lui a sorti ces deux linceuls. Et elle lui a dit, j'ai entendu que mon frère Hamza était tué, alors placez-le dans ces deux linceuls. Mais comme il y avait un autre Ansari, juste à côté de Hamza, et qui n'avait pas de linceul, ils ont donné un seul pour Hamza et un seul pour l'autre Ansari. Et ils ont fait un tirage au sort, parce qu'il y avait un qui était plus grand que l'autre, et ils ont partagé ces deux tissus selon ce tirage au sort. Et Wahshi, radiallahu anhu, qui a tué Hamza, c'est lui-même qui a tué Musaylim al-Kadhdhab. Et c'est lui, ça a été rapporté que c'est lui qui a tué Musaylim al-Kadhdhab. Et il disait, radiallahu anhu, j'ai tué l'allié d'Allah et j'ai tué le grand ennemi d'Allah, Musaylim al-Kadhdhab, cet homme qui a prétendu être prophète et qui a fait beaucoup de mal. Le Nabi alayhi salatu wassalam lui-même, dans cette bataille, il a, après que les chevaliers de Quraysh ont pu attaquer l'armée par derrière et qu'ils ont tué beaucoup de compagnons, ils ont atteint le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Et ils l'ont frappé, ils l'ont blessé au niveau du visage et ils lui ont cassé une dent. Alayhi salatu wassalam, la dent qu'ils lui ont cassée, c'est al-raba'iyya, ce qu'on appelle en arabe al-raba'iyya. Al-raba'iyya, yani au niveau des dents, en arabe on a al-thanaya, on a les deux du milieu, ça s'appelle al-thanaya. Al-raba'iyya, c'est la dent qui est juste à côté, il y en a deux, de chaque côté, droit, gauche. Et il y en a dans la mâchoire supérieure et dans la mâchoire inférieure. Celle qui a été cassée du prophète alayhi sallam, en français pour rabaïa, on peut dire l'incisive. Malgré qu'en français, ils ne font pas la différence entre thanaya et rabaïyat. Ils appellent les deux les incisives. En tout cas, rabaïa, c'est celle qui est juste avant les canines. C'est juste celle qui est avant les canines. Donc si tu regardes la mâchoire, au milieu, t'en as deux. Les plus grandes, les plus coupantes. Et juste à côté de chaque côté, il y en a une qui s'appelle Raba'iyya. Pourquoi ça s'appelle Raba'iyya? Parce qu'il y en a quatre dans la bouche. Et à côté de Raba'iyya, on a An-Nab, la canine. Et après, on a les prémolaires. Deux de chaque côté et les molaires, trois de chaque côté, quand apparaît la dent de sagesse. En tout cas, ils ont cassé, on va dire l'incisive, mais comprenez que c'est pas celle du milieu, c'est un rabaïe comme j'ai expliqué. Donc, ils ont cassé l'incisive du prophète, qui se trouve dans la mâchoire inférieure, celle de droite. Je vous ai dit, il y en a une de chaque côté, donc c'est celle de droite. Ils lui ont cassé cette dent avec une pierre qu'ils lui ont jetée. Et ils ont même cassé le casque qu'il portait sur sa tête, alayhi salatu wassalam. Ils ont cassé son casque et ils l'ont frappé, ils l'ont fait tomber dans un trou qui a été creusé par cet ennemi d'Allah, Abu Amir al-Fasiq, quand ils sont arrivés à Uhud, avant l'arrivée des muslimines, cet homme est parti, il a creusé des trous afin que les muslimines tombent dedans. Et Nabi alayhi salam est tombé dans un trou de ces trous qui a été creusé par ce grand ennemi d'Allah. Et c'est Ali radiallahu anhu qui l'a pris par la main et Talha ibn Ubaydillah radiallahu anhu, Ali, un des 10 annoncés au paradis. Talha ibn Ubaydillah, un des 10 annoncés au paradis. Les deux l'ont aidé à sortir de ce trou. Rappelez-vous que le Nabi alayhi salam portait deux armures. Et ça, ça, c'est gênant et c'est lourd. Donc ils l'ont aidé et il est sorti ainsi de ce trou. Et ils lui ont fait beaucoup de mal ce jour-là. Ils lui ont fait beaucoup de mal car le kuffar était déterminé à le tuer. Ils voulaient le tuer. Ils ont tout fait pour le tuer, mais Allah Azzawajal ne leur a pas permis cela. Et Nabi Isa Salam, tellement ils lui ont fait de mal ce jour-là, alayhi salatu wa salam, il disait, كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ شَجُّوا نَبِيَّهُمْ وَهُوَ يَدْعُوهُمْ لِلْإِسْلَامِ. Comment peuvent connaître la réussite des gens qui ont blessé leur prophète au niveau de son visage alors qu'il les appelle à l'islam? Et Allah Azza wa Jal a révélé suite à cela sa parole: laysa laka min al-amri shay'un aw yatuba alayhim aw yu'adhibahum fa innahum zalimun. Dans le sens approximatif, tu n'as pas à te prononcer en quoi que ce soit dans l'ordre d'Allah. Ou il accepte le repentir, ou il les soumet au supplice, car ils sont injustes. Et cette parole a été adressée, comme les savants l'ont précisé, à notre noble prophète bien-aimé, alayhi salatu wassalam, quand il a dit quand les mécréants lui ont fait autant de mal dans la bataille de Uhud. Et donc, leur sort revient à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça la signification de ce verset. Si Allah, il décide et qu'il se repente, il acceptera le repentir. Ou s'il décide, il les châtie. Car ils étaient injustes à cause de leur injustice et de leur volme, notamment envers le prophète alayhi salatu wassalam. Mais subhanallah, Nabi alayhi salatu wassalam qui a dit kayfa yuflihu qawmun, comment peuvent connaître la réussite, lui-même il a dit, quand il a espéré qu'Allah les guide vers l'islam, il a dit Allahumma ighfir li qawmi fa innahum la ya'lamun, rapporté par l'imam Muslim. Oh Allah, pardonne à mon peuple car ils ne savent pas, alayhi salatu wassalam. Et parmi ceux qui ont fait très mal au prophète alayhi salatu wassalam ce jour-là, Amr ibn Qami'ah wa Utba ibn Abi Waqqas et d'autres également. Et dans cette bataille est tombé martyr Mus'ab ibn Umair radiyallahu anhu d'une manière héroïque. C'est lui qui portait l'étendard des muslimines, comme on a vu, et ils lui ont coupé la main avec laquelle il le tenait, il l'a pris avec l'autre main, ils ont coupé l'autre main, il l'a mis entre ses deux épaules, et ils l'ont frappé, ils l'ont tué ensuite. Et celui qui a repris l'étendard des muslimines après lui, c'est Ali ibn Abi Talib. وَمَا أَدْرَاكَ مَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فِي هَذِهِ الْمَعْرَكَ وَفِي غَيْرِهَا. C'est Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu qui a repris l'étendard des muslimines. Et Ali ibn Abi Talib, bien évidemment, c'est un de ceux qui ont fait preuve d'héroïsme. C'est parmi ceux qui ont fait preuve d'héroïsme dans cette bataille radiyallahu anhu, et qui a combattu d'une manière inégalable, Ali radiyallahu anhu. Également, parmi les choses par lesquelles était touché le prophète alayhi salatu wassalam dans cette bataille, c'est que deux anneaux de son casque sont entrés dans son visage. Deux anneaux en fer dans son casque, tellement il a reçu de coups, elles sont entrées dans son visage. Et elles sont entrées exactement, elles étaient implantées dans sa joue, alayhi salatu wassalam. Deux anneaux en fer. Et celui qui s'est chargé de retirer ces deux anneaux en fer, c'est Abu Ubaida, Amir ibn al-Jarrah, radiyallahu anhu, un des 10 annoncés au paradis. C'est lui qui s'est chargé de les retirer, et tellement elles étaient profondes dans la joue du prophète, alayhi salatu wassalam, et pour ne pas les retirer d'une manière brusque et de lui faire du mal, il les a retirés avec ses incisives, avec fanaya. Ici, ce qui est voulu par les incisives, c'est les deux dents qu'on a dans la mâchoire supérieure et inférieure du milieu. Il y en a deux. Et quand il les a retirés, il a perdu yani une de ses incisives ou deux. Il est devenu ainsi brèche. On dit un homme brèche, yani qui a perdu une dent ou plus du devant. Donc il est devenu brèche. Et Sahaba radiallahu anhum disait qu'on n'a jamais vu un homme brèche aussi beau que lui. Et même quand il est devenu brèche, il était pour eux, ça l'a embelli encore plus. Ça l'a embelli, yani au niveau de l'apparence, mais ça l'a embelli surtout quand il se rappelait la cause de ses dents qui sont tombées. Pourquoi elles sont tombées? Elles sont tombées pour sortir deux anneaux qui étaient implantés dans la joue du prophète alayhi salatu wa sallam. Pour sortir ces deux anneaux qui étaient implantés dans la joue du prophète alayhi salatu wa sallam. Et un autre sahabi qui s'appelle Malik ibn Sinan a sucé le sang, yani pour nettoyer le sang qui était sur la joue du prophète alayhi salatu wa sallam. Malik ibn Sinan, c'est le père de Abu Sa'id al-Khudri, le grand rapporteur de hadith. C'est son père. Et le kuffar, ils ont réussi, comme on a vu, à arriver jusqu'au prophète alayhi salatu wa sallam. Et ils l'ont combattu directement, sans qu'il ait de protection, yani parmi les hommes. Mais on va voir que Allah Azza wa Jal lui a envoyé Jibril et Mikaïl alayhi salam pour le défendre dans cette bataille et pour le protéger des kuffars. Mais des hommes, à un moment, Nabi alayhi salam était seul face à tous les kuffars. Il combattait seul face à tous les kuffars de Quraysh. Alayhi salatu wassalam. Donc il y avait Jibril et Mikaïl qui le protégeaient comme ceci rapporté dans un hadith dans l'authentique de l'imam al-Bukhari. Sa'd ibn Abi Waqqas radiallahu anhu dit: j'ai vu deux hommes à droite et à gauche du prophète alayhi salatu wassalam qui portaient des habits blancs qui combattaient d'une manière très forte. Et ces deux hommes, je ne les ai jamais vus avant ni après. Je ne les ai jamais vus avant ni après. Et c'est des hommes, comme c'est rapporté dans d'autres versions, sans Jibril et Mikaïl, avec une apparence humaine. Et pas comme Allah Azza wa Jal les a créés. Et à un moment, Kuffar, comme j'ai dit, ils ont pu atteindre le prophète alayhi sallam, ils l'ont jeté avec les pierres, jusqu'à ce qu'il est tombé. Et ensuite, alayhi salatu wa salam, il s'est relevé et il a continué à les repousser, le kuffar, et c'est là où sahaba, 10 parmi les médinois, ont vu le prophète alayhi salatu wa salam, et qu'il était seul en train de combattre kuffar Quraysh, et ils se sont joints à lui, 10. Et ils ont combattu d'une manière exceptionnelle, ces 10 hommes. Rappelez-vous de ces 10 hommes. Ils ont combattu d'une manière exceptionnelle. Et ils ont formé un bouclier autour du prophète, alayhi salatu wassalam. Et ils l'ont défendu. Et parmi ces hommes, il y avait Talha ibn Ubaidillah, un des 10 annoncés au paradis. Il a combattu jusqu'à ce que sa main était paralysée. La main avec laquelle il protégeait le Nabi, alayhi salam. Et dans laquelle il recevait les flèches, il recevait tout, les coups d'épée, les lances, il recevait tout, et cette main a été paralysée par la suite. Et Abu Dujana, Simak ibn Kharasha radiyallahu anhu également a formé un bouclier rien qu'à lui seul, cet homme radiyallahu anhu. Il a mis son dos vers le kuffar et il protégeait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et il a reçu énormément de flèches qui ont été implantées dans son dos. Et il ne bougeait pas. Et il ne bougeait pas. Les 10 que je vous ai cités, c'est pas Talha et Abu Dujana. Ça, c'est en plus. Parce que les 10, tous, ils ont combattu, comme je vous ai dit, d'une manière exceptionnelle, jusqu'à ce qu'ils étaient tués tous. Et après est venu Talha et Abu Dujana, et ils ont continué à protéger le prophète alayhi salatu wassalam, comme je vous ai cité. Et Ibn Hajar, Nawawi, rahimahullah, a cité dans son sharh de l'authentique de l'imam muslim, quand il a parlé de ce hadith dans lesquels le Nabi alayhi salatu wassalam a été très éprouvé et on lui a fait énormément de mal, il a dit que parmi les sagesses en cela, que les prophètes soient touchés par des très très grandes épreuves, c'est afin d'avoir une immense récompense auprès d'Allah Azzawajal. Également afin que leur communauté sache par quoi ils étaient touchés et qu'ils ont patienté pour Allah subhanahu wa ta'ala et pour propager sa religion et qu'ils prennent exemple en eux. Et c'est pas tu commences da'wah, t'es touché par un petit mal, yani, quelle que soit la catégorie de ce mal, t'arrêtes. Non, si tu fais da'wah pour Allah, tu vas continuer. Et si tu l'as fait pour les compliments et pour le statut, alors là, tu peux être sûr que dès que t'es touché par un mal, tu vas arrêter de da'wah. Donc, celui qui fait da'wah pour Allah subhanahu wa ta'ala et qui est sincère, et nous demandons à Allah Azzawajal de nous accorder cela, de nous accorder la sincérité. La meilleure chose qu'Allah accorde aux muslimines, c'est la sincérité. Nous lui demandons de nous l'accorder. Ensuite, Nawawi rahimahullah a apporté la parole de Iyad, dans laquelle il a cité d'autres sagesses. Le Qadi Iyad, un des premiers qui ont expliqué l'authentique de l'imam muslim, et duquel Al-Nawawi rahimahullah a beaucoup profité. Quasiment, l'explication de Nawawi sur Muslim, quasiment elle est prise de l'explication de Al-Qadi Iyad, un très grand savant, mais ce qu'il faut savoir, que c'était un Ash'ari. Qu'Allah lui pardonne, et nous pardonne à tous. Il faut être en garde contre cela. Et également, Nawawi rahimahullah dans son sharh, il y a des choses de l'Asha'ira, beaucoup de choses de l'Asha'ira. Quand il s'agit des textes dans lesquels il y a les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala surtout. Et ces choses-là, les savants ont mis en garde contre ces choses-là, et même ils ont écrit dans les livres dans lesquels ils ont cité ces erreurs, afin que Talib, l'étudiant en science, soit en garde. Donc, le Qadi Iyad, il a cité une autre sagesse qui a été rapportée par Nawawi rahimahullah dans son sharh, dans laquelle il a dit que Allah éprouve les prophètes également, et il les touche par les épreuves et par les catastrophes sans toucher les êtres humains de manière générale, parmi les épreuves de dunya, afin que les gens qui les suivent aient la certitude que ce sont que des créatures d'Allah. Et qu'ils ne soient pas leurrés par, yani entre parenthèses, les miracles qu'Allah leur accorde, et ainsi les divinisent, comme ils ont fait les chrétiens, yani Nasara, avec Isa alayhi salam. Comme ils ont fait les chrétiens avec Isa alayhi salam. Donc, pour qu'ils sachent que ce sont des êtres humains. Et qui sont touchés par les mêmes choses par lesquelles sont touchés les êtres humains. Et qui n'arrivent pas à les diviniser ou croire que ce sont des divinités comme l'ont fait les chrétiens avec Isa alayhi salam. Également parmi ceux qui ont participé dans cette bataille, Amr ibn al-Jamuh radiyallahu anhu, il a combattu avec 4 de ses enfants. Tous ils ont participé dans la bataille. Et lui, il était très âgé. Il était un peu âgé, Afwan, il était un peu âgé, c'est un autre sahabi qui était très très âgé, Il était un peu âgé et en plus, il boitait. C'est pour ça que ses enfants lui ont dit, c'est pas la peine de participer, toi t'es excusé. Toi t'es excusé, donc tu peux ne pas participer. Mais Nabi alayhi salam, quand il a vu qu'il insistait pour participer dans cette bataille, il a dit à ses enfants, s'il souhaite participer, laissez-le alors, qu'il bénéficie du martyr dans le sentier d'Allah. Effectivement, il a participé et il a combattu. Et parmi ses paroles très connues, il a dit au messager d'Allah, si je meurs martyr, est-ce que j'irai au paradis avec mon pied avec lequel je boite aujourd'hui? Le Nabi alayhi salam lui a dit oui. Dans une version, yani, tu iras au paradis avec yani, ton pied sain. Et non pas avec cet handicap que tu as aujourd'hui. Et ça, c'est valable pour tous ceux qui vont au paradis. Dans le paradis, il n'y a pas d'handicap, il n'y a pas de haraj, il n'y a pas de awar. Yani, dans la meilleure création qu'Allah a créée les humains. Donc cet homme, il jurait par Allah qu'il marcherait avec son pied avec lequel il boite aujourd'hui dans le paradis. Dans le paradis. Il y en a qui ont compris que, et ça, ça peut être compris de certains ahadiths, qu'il ira au paradis en boitant. Mais ce qui est juste, c'est de dire, avec le pied avec lequel il boite, il boitait dans le dunya, il marchera au paradis tout en étant saint. Également, Sa'd ibn Abi Waqqas a fait preuve d'un courage exceptionnel dans cette bataille, et c'est parmi ceux qui sont restés avec le prophète alayhi salatu wassalam, parmi ceux qui n'ont pas fui dans cette grande panique, parmi les compagnons radiyallahu anhum tous, lui c'est parmi ceux qui sont restés avec le Nabi alayhi salam, et il lançait le kuffar avec ses flèches, et même c'est le Nabi alayhi salam qui lui préparait les flèches, il lui donne, il lui dit, lance Fidaka abi wa ummi, je te rachète avec mon père et ma mère. Et ça, c'est une expression dont le sens n'est pas voulu, mais les Arabes l'utilisent. C'est comme ça qu'a dit Al-Hafid ibn Hajar. Car pour racheter quelqu'un avec une chose, il faut que cette chose soit existante. Ou si c'est un être humain, qu'il soit vivant. Et les parents du prophète alayhi salam étaient déjà morts dans cette bataille. C'est pour ça, c'est une expression qui est dite par les Arabes, et dont le sens n'est pas voulu. Et ça, c'est courant chez les Arabes. Et ce jour-là a été touché l'œil de Qatada ibn Nu'man al-Dhafari, radiyallahu anhu. Et Nabi alayhi salam l'a remis à sa place. Et c'était le meilleur de ses yeux. Le meilleur œil des deux, c'était celui que Nabi alayhi salam a remis. Il voyait mieux avec celui que Nabi alayhi salam lui a remis que avec l'autre. Et Shaitan, Iblis, grand ennemi d'Allah, quand il a vu que le kuffar ont commencé à prendre le dessus dans cette bataille, il a crié avec une voix très très forte. Il a crié, il a dit, Inna Muhammadan qad qutil. Muhammad a été tué. Et subhanallah, cette parole, même dans les rangs des musulmans, ils ont cru que c'était une vérité. Et au point où certains parmi les compagnons, radiallahu anhum, ont jeté leurs armes et se sont assis, ils bougeaient plus. Tellement c'était attristant pour eux ce qu'ils avaient entendu. Et Anas ibn Nadr, radiallahu anhu, parmi les héros de cette bataille, la bataille de Uhud, Anas ibn Nadr, radiallahu anhu, il marchait dans les rangs des musulmans, et il leur disait, il les a vus qu'ils avaient, certains, ils ont pris la fuite, certains, ils ont jeté leurs armes. Il les a vus, il leur a dit, qu'est-ce que vous attendez? Ils ont dit, le messager d'Allah a été tué. Il leur a dit, et qu'est-ce que vous faites s'il a été tué? Qu'est-ce que vous attendez de mourir sur la même chose sur laquelle il est mort? Et il est allé vers le kuffar, radiallahu anhu. Il a vu Sa'd ibn Mu'ad, radiallahu anhu. Il lui a dit, oh Sa'd, je sens l'odeur du paradis. Je sens l'odeur du paradis. Et il a combattu, c'est l'exemple que les savants citent de l'homme qui s'est jeté dans le kuffar. Et à lui seul, il a combattu avec beaucoup de bravoure jusqu'à ce qu'il ait été tué, radiallahu anhu. Et quand ils l'ont trouvé mort, ils ont trouvé dans son corps plus de 60 coups. Plus de 70 coups, afwan. Plus de 70 coups. Et ce jour-là, a été blessé Abdurrahman ibn Auf, radiallahu anhu, un des 10 annoncés au paradis. Une vingtaine de blessures. Certaines étaient au niveau du pied, et avec ce pied, et il a continué à boiter jusqu'à sa mort, radiallahu anhu. Et ensuite, les musulmans, quand ils ont pris conscience, après ce grand état de panique, ils sont revenus autour du prophète, alayhi salatu wassalam. Ils sont revenus autour du prophète, alayhi salatu wassalam. Et le premier qui a reconnu le prophète, alayhi salatu wassalam, c'est Ka'b ibn Malik, radiallahu anhu. C'est lui qui l'a vu le premier. Et quand il l'a vu, il a crié, « Oh les musulmans, le prophète est vivant, le prophète est vivant. » Le prophète, alayhi salatu wassalam, lui a dit, « Tais-toi, yani, ne parle pas, ne dis pas ça. » Les kuffar, s'ils entendent ça, ils vont se regrouper à nouveau autour du prophète, alayhi salatu wassalam. Et ensuite, sahaba, quand ils ont entendu ça, ils sont venus autour du prophète, alayhi salatu wassalam, ils se sont réunis autour de lui, et le Nabi alayhi salam s'est dirigé avec ses compagnons vers cet endroit entre les deux monts. Ils se sont installés à cet endroit-là, et il y avait parmi eux Abu Bakr et Omar et Ali radiallahu anhu, et le Harith ibn Simmah al-Ansari radiallahu anhu parmi d'autres. Et quand ils se sont protégés dans cet endroit, donc le Nabi ﷺ a retiré son armée. Ils se sont protégés dans un endroit entre deux montagnes. Et quand ils se sont retirés à cet endroit, Ubay ibn Khalaf, il a vu qu'ils s'étaient retirés et isolés à cet endroit. Et il est venu sur son cheval qui s'appelle Al-Aoud. Il l'avait préparé, comme il prétendait, ce grand ennemi d'Allah, pour tuer le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Et il est venu jusqu'à ce qu'il s'est approché de Nabi alayhi salatu wassalam, et Nabi alayhi salatu wassalam a pris une lance, et il lui a jeté. Une lance, il a pris de la main de l'Harith ibn Simma, qui était à côté de lui. Il l'a jeté sur Ubay ibn Ka'b de loin, Ubay ibn Khalaf. Ubay ibn Ka'b, c'est un grand compagnon. Ubay ibn Khalaf, et il l'a touché au niveau de sa clavicule. Yani, c'est le haut de la poitrine. Le croisement entre le haut de la poitrine et les épaules. Il l'a touché à cet endroit avec cette lance. Mais ça n'a pas fait une grande blessure. Et quand il l'a touché, il est parti en courant. Il a fui. Et il pleurait, il criait. Le kuffar, quand ils l'ont vu, ils lui ont dit, qu'est-ce que t'as à crier comme ça? Yani, t'as rien. C'est une petite blessure. Et lui, il disait, par Allah, si vous savez ce que j'ai comme douleur, une douleur que ne peut supporter tous les gens, même si elle est répartie entre tous les gens d'un grand marché. Il a cité un marché qui s'appelle Ville Majaz. C'est parmi les marchés très connus des Arabes, dans lesquels ils se rassemblaient. Et celui-là en particulier se rassemblait juste avant le pèlerinage, pour le commerce et pour les poèmes, tout ça. Et de ce marché, ils allaient vers le pèlerinage. Ils commençaient le pèlerinage avant l'islam. Il a dit, si ma douleur est répartie à tous les hommes qui sont dans ce marché, ils seraient tous morts. Et il leur a dit, par Allah, il a dit qu'il allait me tuer et je vais mourir. Et il n'a cessé de souffrir de cette douleur jusqu'à quand son armée, l'armée de Quraysh, s'est approchée de Mecca, un endroit qui s'appelle Sarif, et c'est là où il est décédé avant d'arriver à Mecca. Et subhanallah, le Nabi l'a tué lui et a tué son frère, Umayy ibn Khalaf. Et les deux, il leur a dit ça. Il leur a dit, je vais vous tuer. Car ils ont dit, on va te tuer. Il leur a dit, c'est moi qui va vous tuer. Et effectivement, Nabi al-Sallam a tué les deux. Et quand l'armée s'est écartée et s'est protégée à cet endroit, Ali radiallahu anhu, il a vu le sang, tout le sang qu'il y avait sur le visage du prophète al-Sallam. Il est venu, il a pris son bouclier, il l'a rempli avec de l'eau. Il n'a trouvé que le bouclier. Il l'a rempli avec de l'eau, il l'a ramené pour le prophète alayhi sallam. Mais le prophète alayhi sallam ne voulait pas en boire. Il l'a trouvé répugnant. Et ensuite, Ali a pris l'eau pour nettoyer le visage du prophète alayhi sallam. Et lui, il versait l'eau et Fatima radiallahu anha nettoyait le sang. Mais quand elle a vu que plus elle versait d'eau, plus il y a de sang qui sort et qui gicle, elle a pris comme du bois d'un tapis qu'elle avait, yani hasir, comme le bambou, les tapis en bambou. Elle a pris un peu de son bois et elle l'a brûlé. Et elle a pris les cendres et elle les a mis sur la blessure du prophète alayhi salatu wassalam. Et ainsi l'hémorragie s'est arrêtée. L'hémorragie s'est arrêtée. Et Nabi alayhi sallam voulait monter sur un grand rocher. Il n'a pas pu le faire tout seul. Yani, comme on a vu, il portait les deux armures. Il n'a pas pu le faire tout seul. Jusqu'à ce qu'il a été aidé par Talha ibn Ubaidillah radiallahu anhu. Et ensuite, il est monté sur ce rocher. Et quand ils sont montés sur ce grand rocher, c'était l'heure de la salat. C'était l'heure de la salat. Et le Nabi alayhi salam les a dirigés dans la salat. Ils ont prié en groupe. Et d'ici, on prend l'importance de la prière en groupe pour les hommes. Et que même pendant ces moments difficiles, où le Nabi alayhi salam n'arrive même pas à se mettre debout, n'arrive pas tellement il a reçu de coups et de blessures, alayhi salatu wassalam, il n'arrive même pas à rester debout. Il les a dirigés dans la salat en groupe et il était assis. Il les a dirigés en étant assis. Et Kuffar Quraysh également se sont retirés et n'ont pas poursuivi les muslimines. Après que les muslimines se sont retirés, Kuffar Quraysh également se sont retirés et ils sont allés vers les tentes qu'ils avaient mis dans lesquelles il y avait leurs femmes, tout ça. Et ils ont pris leurs affaires et ils se sont dirigés vers Mecca. Le Nabi alayhi sallam, quand il a vu que les kuffars se sont retirés également, il a demandé à Ali radiallahu anhu d'aller voir yani, vers où ils allaient. Est-ce qu'ils allaient vers Mecca ou vers le Medina? Et quand il a vu qu'ils allaient vers Mecca, le Nabi alayhi sallam lui a dit, Wallahi, s'ils voulaient le Medina, on les aurait combattus. On les aurait combattu. Et vous voyez que la bataille s'est terminée ainsi. Les kuffars, les musulmans ont pu se retirer malgré yani, cette grande ouverture que Quraysh ont exploité extrêmement bien et ensuite ils ont pu tuer 70 compagnons. Ils ont tué 70 compagnons. Quand vous entendez 70, il faut pas s'imaginer comme les batailles d'aujourd'hui où on entend 1000 morts, 1 million de morts, 3 millions de morts. Pour l'époque, 70, c'est un chiffre immense, c'est énorme. C'est pour ça, dans la bataille de Badr, les croyants ont tué beaucoup parmi le kuffar et ils ont tué 70. Et ici, le kuffar ont tué beaucoup parmi les muslimines et ils ont tué 70. 70 pour le muslimine, ça représente 10% de l'armée. Car leur armée était de 700 hommes. Ils ont tué 70. Parmi les morts, comme on a vu, il y avait Hamza, l'oncle du prophète alayhi salam. Celui qui l'a tué, comme on a vu, c'est Wahshi, l'esclave de Jubair ibn Mut'im, contre son affranchissement et contre sa liberté. Et il l'a trahi en quelque sorte dans le sens où il s'est caché, où il l'a pas combattu ouvertement. Mais Wahshi est entré dans l'islam par la suite et Nabi Isa alayhi salam lui a pardonné et a accepté de lui l'islam. Et c'est lui qui a tué Musaylim al-Kadhdhab. Et ça, c'est très très important. Allah lui a permis cette ni'ma. Après avoir tué un des alliés d'Allah, il a tué un des plus grands ennemis d'Allah. Un des plus grands ennemis d'Allah. Et c'est ça, yani, le sens du hadith. Il y a un hadith qui me vient maintenant, dans lequel Nabi alayhi salam a dit, qu'Allah a informé d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'étonne de deux hommes qui se combattent. Et l'un tue l'autre et les deux vont au paradis. Et l'explication, c'est que il y a un qui est mécréant. Il va tuer le musulman. Le musulman, il va martyr au paradis. Et ensuite, le mécréant, il devient musulman et il se fait tuer également dans le sentier d'Allah et il va au paradis. Et parmi ceux qui ont été tués ce jour-là, c'est Abdullah ibn Jahsh. Abdullah ibn Jahsh radiallahu anhu, qui a fait preuve d'un très très grand bravoure dans ce combat. Yani, des choses, si c'était pas rapporté authentiquement, peut-être on aurait pu ne pas les croire en leur véracité. Tellement c'est étonnant ce que ces hommes ont fait ce jour-là pour protéger le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et pour le préserver. Également, parmi ceux qui sont tombés martyrs ce jour-là, c'est Mus'ab ibn Umayr radiallahu anhu. Et ils n'ont pas trouvé de linceul pour lui. Et ils ont complété, yani, avec des feuilles de palmier. Également, parmi ceux qui sont tués ce jour-là, Uthman ibn Uthman, qui s'appelle Shammas ibn Uthman al-Makhzoumi radiallahu anhu. Et ça, c'est quatre parmi les émigrés. Et tous les autres étaient parmi l'Ansar. Tous les autres martyrs de cette bataille étaient parmi l'Ansar. Et parmi les Muhajirin, il y avait ces quatre que je vous ai cités. Hamza et Abdullah ibn Jahsh, Mus'ab ibn Umayr et Uthman ibn Uthman, radiyallahu anhum tous. Et 66 parmi l'Ansar qui sont tombés martyrs dans cette bataille. Nabi alayhi sallam les a enterrés tous au même endroit où ils étaient tués. Et ça, c'est la sunna par rapport aux martyrs dans le combat, dans le sentier d'Allah. Et il les a enterrés dans l'état dans lequel ils sont décédés. L'état dans lequel ils sont morts. C'est-à-dire avec leurs vêtements et avec le sang qu'ils avaient sur eux. Et avec les blessures qu'ils avaient sur eux. Dans le même état. Et il n'a pas prié sur eux. C'est pour ça les savants ont divergé. Est-ce que on prie sur le martyr dans le sentier d'Allah? Bien évidemment, il y a unanimité sur le fait qu'on le lave pas et qu'on le met pas dans des linceuls et qu'on le met pas dans des linceuls et qu'on l'enterre dans ses vêtements. Et par contre, Hamza, il a été mis dans un linceul parce qu'il a été mutilé et ils ont déchiré ses vêtements. Ils ont déchiré ses vêtements. Donc les sahaba pour lesquels on a mis des linceuls, c'est parce que leurs vêtements étaient déchirés. Mais sinon le martyr, on le met dans ses vêtements, dans sa tombe, avec son sang et avec ses blessures. Donc je disais que les savants ont divergé sur le fait, est-ce qu'on prie sur le martyr ou pas. Ibn al-Qayyim et d'autres savants disent qu'on ne prie pas sur le martyr. Car Nabi alayhi sallam n'a pas prié sur les martyrs de Badr, ni sur les martyrs de Uhud. Et ce qui a été rapporté que quelques mois plus tard, Nabi alayhi sallam a prié sur eux, ça c'est une visite des morts pour ces savants qui ont cet avis. Les autres ont dit, qui ont pris ça comme une prière sur le mort, ils ont dit, c'est pas une obligation de prier sur les morts, car Nabi alayhi sallam ne l'a pas fait. Mais c'est une sunna. Et c'est pour ça que Nabi alayhi sallam l'a fait longtemps plus tard. Mais le jour de la bataille, Nabi alayhi sallam ne l'a pas fait Yani, ça c'est unanimité entre les savants. Et ce jour-là, beaucoup parmi les musulmans ont pris la fuite. Quand, à cause de cet état de grande panique, yani, qui est arrivé quand les chevaliers de Quraysh ont pu attaquer l'armée par derrière, yani, c'est là où il y a eu cette grande panique et beaucoup ont fui parmi les musulmans. L'imam ibn Kathir, rahimahullah, a cité, parmi ceux qui ont fui ce jour-là, Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu. Et il a cité le verset dans lequel Allah Azza wa Jalla dit, إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ. Dans le sens approximatif, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ceux d'entre vous qui ont pris la fuite le jour où les deux armées se sont rencontrées, l'armée des croyants et l'armée des mécréants, c'est bien Shaitan qui les a fait succomber pour les mauvaises actions qu'ils ont commises. Alors, Allah leur a pardonné, car Allah est tout absoluteur et tout indulgent. Et ce jour-là, parmi les croyants, yani parmi les erreurs et les mauvaises actions, c'était la désobéissance au prophète alayhi salatu wassalam, quand les archers ont quitté la montagne et n'ont pas, yani, et ont désobéi ainsi au prophète alayhi salatu wassalam. Mais écoutez ce qu'Allah azza wa jalla dit, وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ. Allah leur a pardonné. Allah subhanahu wa ta'ala leur a pardonné. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset suivant de ce verset dans Sourate Ali Imran, parce que Sourate Ali Imran, il y a beaucoup de versets, j'ai oublié le numéro du verset à partir duquel Allah azza wa jalla a détaillé la bataille de Uhud. Donc ensuite Allah Azza wa Jalla il a parlé des hypocrites. Il a dit ya ayyuhalladhina amanu la takunu kalladhina kafaru wa qalu li ikhwanihim idha darabu fil ardi aw kanu ghuzza law kanu indana ma matu wa ma qutilu. Vous qui avez cru, ne soyez pas comme ceux qui ont mécru et qui ont dit de leurs frères partis en voyage ou en guerre, s'ils étaient parmi nous, ils ne seraient pas morts et ne seraient pas tués. Allah en fit ainsi un sujet de profond regret dans leur cœur. Car c'est Allah qui fait vivre et mourir, et c'est Allah qui voit ce que vous faites. Et parmi les mécréants, ce jour-là, ont été tués 22 hommes dans les rangs des mécréants. Et Allah Azza wa Jalla a détaillé cette sourate, détaillé cette bataille dans Sourate Ali Imran à partir du verset 121. À partir du verset 121, dans lequel Allah Azza wa Jalla dit Wa idh gadawta min ahlika tubawwi'u al-mu'minina maqa'ida lil-qital wallahu sami'un 'alim. Dans le sens approximatif, Allah nous dit, souviens-toi, ô messager, lorsque tu quittas au petit jour, ta famille pour attribuer aux croyants leur poste de combat. Ça, c'est pour Uhud. Allah entend tout et il est omniscient. Deux de vos groupes, alors, faillirent abandonner, cependant qu'Allah était leur protecteur. Et les deux groupes, c'est les Banu Haritha et l'autre tribu, j'ai oublié le nom. Deux tribus parmi les Médinois. Mais, c'était des vrais croyants. C'était des vrais croyants, parce que écoutez ce qu'Allah dit. Certes, Allah a dit, deux vos groupes ont failli abandonner. Cependant, Allah était leur protecteur. C'est pour ça, les Jabir ibn Abdillah, qui fait partie d'une des deux tribus, il disait, yani, ce qu'Allah nous dit, certes, on a fait un mal, mais j'aime aussi ce qu'Allah a dit à notre sujet, qu'il est notre allié et notre protecteur. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ Car c'est à Allah que les croyants doivent s'en remettre. Allah, vous avez bien fait triompher à Badr quand vous étiez bien inférieur. Alors, craignez Allah, peut-être serez-vous reconnaissant. Et tu dis alors aux croyants, ne vous suffit-il donc pas que votre Seigneur vous ait envoyé en renfort 3000 anges descendus du ciel ? Donc les savants, ils disent que ça c'était une promesse d'Allah, si seulement ils obéissent au prophète alayhi salatu wasalam. Mais comme les archers ont quitté leurs emplacements, Allah ne les a pas aidés avec les anges dans cette bataille. C'est comme ça que les savants disent par rapport à ce verset. Voilà, donc je vous invite tous à lire ces versets dans sourate Ali Imran à partir du verset 121 et de lire avec tafsir, c'est très bénéfique et très profitable. Inch'Allah, le cours prochain, on va le démarrer avec quelques fawa'id et quelques sagesses qui concernent la bataille de Uhud. Est-ce que c'était vraiment une défaite pour les croyants ou c'était une victoire pour les mécréants? Yani, sans aucun doute, dans la bataille de Uhud, les croyants ont subi beaucoup de dégâts matériels. Et yani, dans les personnes, 70 morts, à qui Allah certes a comblé de cet honneur qui est le degré du martyr, vu d'un autre point de vue, yani, ça peut être vu comme ça. C'est pour ça les savants, il y en a qui voient que c'était yani, une défaite, une victoire dans un premier temps, et une défaite dans un deuxième temps. D'autres ne voient pas que c'était une défaite, parce que les croyants, même avec cette erreur, ils ont pu se rattraper, et le Nabi alayhi salam a réussi à sauver son armée. Ils se sont retirés avec le minimum de dégâts. Alors que Kuffar Quraysh, ils auraient pu exterminer l'armée des muslimines. Mais Allah Azza wa Jalla leur a permis de se retirer au bon moment, ou même au bon endroit dans lequel ils étaient en garde. Et donc je vais vous citer ces sagesses pour le faïda, et je vais vous citer également yani, le discours qui a eu lieu entre Abu Sufyan et le Nabi Issa salam et Abu Bakr et Omar au début du cours, et ensuite nous allons poursuivre dans les autres batailles. J'ai préféré arrêter ici pour ne pas faire très très long. Je demande à Allah de nous pardonner à tous et d'agréer tous les compagnons de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de nous accorder la science bénéfique et profitable, de nous faciliter les œuvres pieuses et acceptables. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.